Il était une fois une petite souris qui s'appelait Émilie. Elle vivait en Afrique. Émilie était allée dans la forêt chercher son amie Julie, quand soudain... elle rencontra un tyrannosaure. Au secours! Le dinosaure veut me manger! Il veut m'écraser avec ses énormes pattes et ses grandes griffes! Émilie se sauva en courant très vite et tomba dans un trou. Elle cria à l'aide. Julie arriva presque en même temps que le tyrannosaure qui crachait du feu. Julie accrocha vite une corde autour d'elle pour sortir Émilie du trou. Et elles coururent toutes les deux. Mais le tyrannosaure courait trop vite derrière elles. Alors les deux amies se cachèrent en haut d'un arbre et il ne les trouva pas.